Sans temps à break, quoi qu'un de sort, il manquait encore. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et en ce lundi 18 février, nous souhaitons une bonne fête aux Bernadettes, ça vient du germanique. Courage, ours, les Bernadettes gagnent à être connues mais il faut savoir les apprivoiser. Timides, méfiantes, secrètes et réservées, elles ne sont pas très à l'aise dans la société. Elles possèdent un charme discret et lorsqu'elles sont en confiance et en harmonie, elles peuvent donner beaucoup d'elles-mêmes. Naturelles, simples, solides dans leurs sentiments, elles ont besoin de preuves afin d'être rassurées. Leur attitude est directe et franche, même si elles manquent parfois de spontanéité ou d'adaptabilité. Leur évolution est plutôt lente. Leur vie intérieure est plus riche que leur vie extérieure et la sphère cérébrale l'emporte avec ce que cela comporte de méditation, de réflexion intellectuelle et métaphysique. Avec le 4 et 7 karmique, une seule alternative s'offre à elles, où elles seront d'une totale rationalité jusqu'à se montrer hostiles, ironiques ou critiques à l'égard d'une foi quelconque. Ou au contraire, elles cultiveront leur intuition et prendront la voie des religions, de l'ésotérisme et des grandes questions philosophiques. Toutefois, les Bernadettes pourront être retardées par un contexte familial pesant. Elles auront alors tendance à accorder trop d'importance aux détails ou à dévier de leur trajectoire initiale. Il se peut cependant être pour elles l'occasion de développer leur créativité. Le contexte familial aura donc une grande importance dans leur orientation première. Baignées dans un milieu artistique, elles seront tentées d'en suivre le chemin, par exemple. Dicton du jour à la Sainte Bernadette, souvent le soleil est de la fête. Célébration internationale en Gambie, c'est la fête de l'indépendance qui commémore l'indépendance obtenue vis-à-vis du Royaume-Uni en 1965. Dans les événements qui se sont déroulés un 18 février en 1962, Marielle Guetschel était championne du monde de combiné en ski. 1968, c'était la fin des 10e Jeux Olympiques d'hiver qui avaient eu lieu à Grenoble. 1975, Coluche donnait son premier spectacle en vedette à l'Olympia, ce qui fut un franc succès. Et en 2002, l'euro devenait la seule monnaie en circulation dans l'Hexagone et les Français Marina Anissina et Gwendal Pesra remportaient la médaille d'or de danse sur glace aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Allez, première pause musicale avec Irma Thomas et son titre, je suis en train de le chercher, Anyone Who Knows What Love Is. Who knows what love is? Irma Thomas sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec donc tous ceux qui sont nés un 18 février 1933. Naissance de Yoko Ono, artiste japonaise et connue pour avoir été la seconde épouse de John Lennon. 1934, naissance de Paco Rabanne, couturier espagnol qui a marqué l'univers de la mode dans les années 60. 1941, naissance d'Irma Thomas, chanteuse américaine. 1946, naissance de Jean-Claude Dreyfus, acteur français, vu dans Je te tiens, tu me tiens par la Barbichette, le fou du roi, la cité des enfants perdus dans le rôle de Marcello, deux frères de Jean-Jacques Hano dans le rôle d'Eugène Normandin, un long dimanche de fiançailles dans le rôle du commandant Lavrouy, vu à la télé dans Nestor Burma, H ou encore Le juge est une femme. 1950, naissance de Sybille Schaeffer, d'actrice américaine, vue dans La dernière séance dans le rôle de Jessie Faro, Taxi Driver dans le rôle de Betsy, dans la série télé Claire de Lune dans le rôle de Maddie Ace, The L World dans le rôle de Phyllis Scroll, psych-enquêteur malgré lui dans le rôle de Madeleine Spencer. 1954, naissance de John Travolta, acteur, chanteur, producteur américain, vu dans La fièvre du samedi soir ainsi que la suite Staying Alive dans le rôle de Tony Manero, Grease dans le rôle de Danny Zuko, Allô maman ici bébé, Allô maman c'est encore moi et Allô maman c'est Noël dans le rôle de James Ubriaco, vu dans Pulp Fiction dans le rôle de Vincent Vega, Volteface dans le rôle de Sean Archer et Castor Troy, La ligne rouge dans le rôle du brigadier général Kintard, Opération Espadon ou encore Austin Powers dans Goldmember. 1962, naissance de Marianne James, auteure, compositrice, chanteuse, comédienne française qui était jurée de la nouvelle star de 2004 à 2007, jurée l'année dernière dans la France, un incroyable talent, et elle est la voix française et chantée du personnage de la grosse dame dans la saga Harry Potter. 1964, naissance de Matt Dillon, acteur américain vu dans Marie à tout prix dans le rôle de Pat Healy, Collision dans le rôle de Ryan, Takers ou encore Braquage à l'ancienne. 1965, naissance de Dr. Dre, rappeur producteur américain. 1967, naissance de Laurent Tirard, réalisateur scénariste français. Scénariste et réalisateur des films Mensonges et Trahison et Plus si Infinité, Le Petit Nicolas, Astérix Obélix au service de sa majesté, Les vacances du petit Nicolas, Un homme à la hauteur et scénariste du film Le plus beau jour de ma vie ou encore Prête-moi ta main. 1968, naissance de Molly Ringwald, actrice américaine, vue dans 16 bougies pour Sam dans le rôle de Samantha Baker, The Breakfast Club dans le rôle de Claire Standish, la série télé La vie secrète d'une ado ordinaire dans le rôle d'Anne Jurgens ou encore Riverdale dans le rôle de Marie Andrews. 1973, naissance de Claude Makélélé, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1990 à 2000 en jouant à Brest, Nantes, Marseille, au Celta Vigo, au Real Madrid, à Chelsea et enfin au Paris Saint-Germain. Entraîneur depuis 2012, de 2012 à 2014, il a été l'entraîneur adjoint du PSG. Ensuite, il a entraîné Bastia, entraîneur adjoint de Swansea City et depuis 2017, il entraîne le club de la S-Eupen. 1983, naissance de Roberta Vinci, joueuse de tennis italienne, ancienne joueuse, qui a fait carrière de 1999 à 2018. 8 ans simple, elle a été 7e mondiale en 2016. Elle a été une fois finaliste à l'US Open, 8e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon et 16e de finaliste à l'Open d'Australie. En double, elle a été numéro 1 mondiale en 2012. Elle a gagné deux fois l'Open d'Australie, une fois Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Elle a remporté avec l'Italie 4 Fed Cups, c'était en 2006, 2009, 2010 et 2013. 1988, naissance d'Alexandre Sidorenko, ancien joueur de tennis français ayant fait carrière de 2006 à 2017. À noter son fait en carrière, c'est qu'il a remporté l'Open d'Australie Junior en 2006 et côté pro c'était pas forcément de très bons résultats, hein, des 32e, des 64e de finale dans les grands chelems. En 1564, décédé Michel-Ange, peintre, sculpteur, poète, artiste italien de la haute Renaissance, ses œuvres les plus connues sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la Renaissance. On peut citer David, hein, qui date de 1504, lequel a longtemps orné la façade du Palazzo Vecchio de Florence. On peut citer également la Pietà, exposée dans une chapelle latérale de la basilique Saint-Pierre de Rome, Moïse, du tombeau de Jules II, le plafond, bien évidemment, de la chapelle Sixtine, peint entre 1508 et 1512, et d'autres œuvres, bien évidemment, hein, appartenant à Michel-Ange, célèbre peintre italien. Et en 1964, décédé Joseph Armand Bombardier, inventeur québécois, connu pour avoir conçu la motoneige. Allez, tout de suite, nouvelle pause, John Travolta, Olivia Newton-John, Grease, You Are the One That I Want. You are the one that I want, Grease, John Travolta, Olivia Newton-John sur le 107FM. Un peu plus de 8h44, on fait un point sur la météo. La météo. Eh bien, le beau temps que nous avons eu toute la semaine dernière et ce week-end, nous l'aurons encore aujourd'hui. Belle journée ensoleillée au programme, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 12 et 14 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, ce sera une journée nuageuse, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés l'après-midi. Mercredi, des nuages également, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer cette actualité en faisant un point complet sur le biathlon qui s'est terminé hier à Soldier Hollow près de Salt Lake City aux États-Unis. Et c'était plutôt un week-end pour nos Français. Si on compte les podiums et les résultats, eh bien la France est devant les autres nations. Le sprint messieurs a été remporté par Christiansen devant Simon Détieux, deuxième, qui signe enfin un podium cette année. Troisième, c'est Roman Riss. Cinquième, Johannes Bö, qui a été le grand perdant de ce week-end en individuel ou même en relais. On en parle dans les autres résultats. Sixième place de Quentin Fillon-Mayenne. Neuvième place d'Antonin Guigonas. Seizième place de Fabien Claude, qui signe ainsi sa meilleure performance. 23e place, Simon Fourcade. Et 35e place pour Emilien Jacquelin. La poursuite d'âme a vu deux Allemandes s'imposer. Hermann, qui s'impose devant sa compatriote Hilde Brand, et troisième place pour Mike Ranen, 10e place pour Célia Monnier, 17e place pour Justine Brezaz, 23e place pour Julia Simon, 24e place pour Anaïs Bescon, 32e place pour Caroline Colombo et 36e place pour Anaïs Chevalier. La poursuite messieurs a vu la victoire de Quentin Fillon-Maillet qui signe ainsi sa deuxième victoire cette saison devant le Norvégien Christiansen et devant Simon Détieux qui signe encore un podium. 15e place pour Simon Fourcade, 16e place pour Fabien Claude, 17e place pour Antonin Guigonat et 30e place pour Emilien Jacquelin. Le relais single mixte a vu la victoire de l'Italie devant l'Autriche et devant la France. Et le relais mix, champion olympique en titre, eh bien, s'est imposé une nouvelle fois devant l'Allemagne et la Norvège, avec d'ailleurs pas mal d'avance sur ses poursuivants allemands et norvégiens. Le relais mixte était composé de Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Célia Aymonier et Anaïs Chevalier. Le seul qui restait du relais qui avait ouvert la saison de la Coupe du Monde, c'était Simon Détieux, puisqu'à l'époque, il y avait Martin Fourcade, Anaïs Bescon et Justine Brezaz. Et en parlant de Martin Fourcade, on a appris hier sur la chaîne L'Équipe qui diffuse le biathlon, eh bien que Martin Fourcade était tombé malade, ce qui va entacher un petit peu plus sa préparation pour les championnats du monde qui auront lieu à partir du 7 mars prochain. Donc espérons qu'il se remette vite pour qu'il puisse reprendre sa préparation du mieux possible et arriver en forme pour les championnats du monde. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Un mot sur le ski avec les championnats du monde et sur le géant. Alexis Pinturo a terminé en bronze. Sur le slalom, il a terminé au pied du podium à la 4e place. Et en ski cross, a noté la victoire de Jean-Frédéric Chapuis. En basket, en National 1, victoire du Jet Vosges à Aubenas, 68 à 71. Un mot de hockey sur glace. Ce week-end, c'était la finale de la Coupe de France qui a vu la victoire d'Amiens qui a battu Lyon après prolongation. 3 à 2. Un mot de football maintenant avec les résultats tout d'abord de la Ligue 1 où Nîmes s'est imposé 2 à 0 face à Dijon, Lyon s'est imposé 2 à 1 face à Guingamp, Marseille s'est imposé 2 à 0 face à Amiens, Angers s'est imposé 3 à 0 face à Nice, Monaco s'est imposé 1 but à 0 face à Nantes, Bordeaux s'est imposé 2 buts à 1 face à Toulouse, Caen et Strasbourg ont fait match nul 0 partout tout comme Lille et Montpellier, Reims s'est imposé 2 buts à 0 face à Rennes et enfin le Paris Saint-Germain s'est imposé à Saint-Etienne 1 but à 0, but signé Kylian Mbappé. En Ligue 2, victoire de Nancy à Le Havre, 2 buts à 0. Ce soir, Metz reçoit Béziers. En National 2, Épinal a fait match nul à Reims, 0 partout. Et en National 3, Thaon-les-Vosges s'est incliné à l'Aglo Troyenne, 3 buts à 0. Un mot de tennis pour clôturer cette actualité avec la victoire à Rotterdam de Gaël Monfils en finale qui a battu Stan Wawrinka 6-3, 1-6, 6 de plusieurs tournois cette semaine, notamment les tournois féminins de double Dubaï et Budapest. À Dubaï, aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Pavlyuchenkova. À Budapest, Parmentier affrontera Konju et Ferro se reposera à Russe. Et il y a le tournoi messieurs de Marseille, où on aura un duel franco-français entre Hoang et Simon. Janvier affrontera Bolelli, Barrère sera opposé à Gerasimov et Lestienne affrontera Stakovski. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Dr. Dre, Eminem et Skylar Grey sur le titre I Need a Doctor. See you slim. Fuck all you fair weather friends, all I need is him. Fucking backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you bout to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the crackers ass. Lil' Cracker Jack beat, making whack ass backwards producers, I'm back bastards. One more CD and then I'm packing up my bags. And as I'm leaving, I guarantee they'll scream, Dre, don't leave us like that, man, cause I need a doctor, call me a doctor.